Restez à l'écoute, très bel après-midi. Voici tout de suite Histoire Vivante. Alors, tout le monde est en place. Moteur. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. On avait rarement vu autant de vedettes au mètre carré. Mais j'avais l'occasion d'être assis dans le noir et de fixer l'écran toute la journée. Le cinéma est un agent de l'histoire. Histoire Vivante, cette semaine, il était une fois dans l'Ouest. Attention où vous mettez les pieds. Des pionniers à l'industrie. Et ces lumières qui, en une nuit d'insomnie, a trouvé le système idéal de la traction de la pellicule pour faire la synthèse du mouvement. Et ce fut le cinématographe. Le cinéma américain. Aujourd'hui, dans les environs de l'Eno, le 4x4 a remplacé le cheval. Looking at the new waitress. Et si vous deviez choisir, vous seriez plutôt John Wayne ou James Stewart? Jean-Loup Bourget, est-ce qu'on peut vous présenter comme critique? Oui, bien sûr, puisque j'appartiens au comité de rédaction de la revue Positif, qui est une revue mensuelle de cinéma, qui rend compte en priorité de l'actualité du cinéma, même si c'est aussi une revue qui publie des articles historiques sur le cinéma plus ou moins ancien. Ce n'est donc pas à vous que je vais faire découvrir tout le mal que l'on dit de la critique. Alors aussi bien, comme on dit, la profession ou les professionnels de la profession que les autres personnes. Cela dit, il est temps d'avoir avec vous une conversation sérieuse parce que, autant dire, à la lecture notamment de vos articles, qu'il y a critique et critique. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner quelques mots pour comprendre votre métier ? Il est clair que ce métier de critique, moi je l'exerce à temps partiel et à titre bénévole, hein, puisque par ailleurs je suis universitaire. On parle beaucoup de la critique, de la responsabilité de la critique, de son influence ou au contraire de son manque d'influence. Moi, il me semble qu'en tout cas, la critique a un certain devoir, une certaine obligation à l'égard des films, surtout des films que le public ne va pas spontanément se précipiter pour voir. Donc je veux dire par là que quand il s'agit de grandes productions hollywoodiennes ou de grands films français, la critique devrait s'exercer librement. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que chacun sait que dans certains médias, il y a des critiques un petit peu de complaisance, ou bien il y a des façons un petit peu hypocrites de procéder, c'est-à-dire qu'on dit du mal des blockbusters américains, mais on leur consacre quand même une ou deux pages parce que c'est un événement. Et inversement ou symétriquement, certains critiques se dédouanent en éreintant, disons, des petits films, des films qui viennent de cinématographies qui ont déjà du mal à être représentés sur les écrans parisiens, en l'occurrence, ou d'Europe de l'Ouest plus généralement. Et je trouve que c'est se décerner un brevet d'impartialité à très bon compte, et c'est un peu irresponsable. Jean-Loup Bourget, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur quelle autre fonction que celle du divertissement occupe le cinéma aujourd'hui ? Écoutez, je crois que là, c'est une très vaste question, mais je pense que le cinéma remplit toutes sortes de fonctions et ça n'est pas non plus absolument nouveau. Le cinéma est devenu un moyen d'expression, un mode d'expression, un média, je ne sais pas comment il faut dire, de masse, dans le sens où il touche des millions de spectateurs. Enfin, certaines formes de cinéma, disons, touchent ces spectateurs dans le monde entier. Il est évident que quand on dit que le cinéma est un divertissement, c'est vrai, mais ça n'est vrai, je trouve, que partiellement, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas particulièrement divertissants, qui traitent, comme chacun sait, des sujets de société. Donc le cinéma est aussi une manière d'inviter le spectateur à réfléchir sur l'image que le cinéma même donne de la société dans laquelle nous vivons. des problèmes que ces sociétés affrontent. Le cinéma, comme l'a très bien dit l'historien Marc Ferraud, est un agent de l'histoire dans certains cas. C'est un miroir, c'est un agent. Il est aussi créateur de mythes qui peuvent, dans certains cas, se substituer à la réalité ou au contraire, simultanément, devenir une sorte de nouvelle réalité qui paraît... plus efficace, plus impressionnante, parce que elle est spectaculaire et que les images parfois sont plus éloquentes que les paroles ou surtout les écrits. Jean-Loup Bourget, pour peut-être d'ailleurs donner une illustration à ce que vous dites, essayons par exemple d'ouvrir un peu la fenêtre de cet article que vous avez écrit sur le cinéma et Los Angeles. Vous y appliquez notamment à noter à un grand nombre de reprises l'importance de l'architecture de la ville, l'importance de son découpage urbanistique. Et là, on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a certes des histoires et toutes sortes d'histoires, mais que la ville en elle-même, et notamment Los Angeles, avec son décentrement en quelque sorte permanent et puis ses rues impossibles, offre en elle-même un cadre assez particulier, dans lequel d'ailleurs se sont presque un peu retrouvés perdus deux réalisateurs britanniques tournant, vous le rappelez dans cet article, à Los Angeles, que sont Peter Yates, réalisateur notamment de Bull It et Alfred Hitchcock. Vous pouvez un peu nous donner quelques mots de cet article, en tout cas quelle a été votre intention, pour bien montrer que le travail de critique, il a une toute autre dimension que de dire, en gros, en deux mots, du bien ou du mal d'un film. Oui, bah, disons que le contexte était un colloque qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale de France sur Los Angeles. Alors, il y avait des spécialistes de la ville de Los Angeles, il y avait des sociologues, il y avait quelques spécialistes donc de cinéma américain, et on nous a demandé de parler un petit peu de l'image de Los Angeles au cinéma, parce que on voit bien que pendant assez longtemps, les films américains, les films, disons, hollywoodiens, pour faire simple, avaient des actions qui étaient censées se dérouler, par exemple, à New York ou à Chicago. Alors, on sait aussi qu'en réalité, souvent, ça n'était pas du tout tourné en extérieur réel, en décor réel, c'était reconstitué plus ou moins dans des studios. Mais depuis au moins les années 40, tout un ensemble de films, notamment les films criminels, ce qu'on a appelé le film noir, comme vous avez donné un exemple, Bullet de Peter Yates, ce genre de films ont été tournés en Californie, soit à San Francisco, soit à Los Angeles. The way Frank Bullet's swinging, you know he's heading for a crash with that wall of official disapproval. Et alors, on voit bien que, d'une part, même des spectateurs qui n'ont jamais mis les pieds à San Francisco, par exemple, reconnaissent immédiatement certaines scènes de San Francisco parce qu'il y a des repères avec lesquels ils sont familiers, nous sommes familiers à cause des films que nous avons vus, donc encore une fois la poursuite en voiture de Bullet ou bien les filatures plutôt en voiture de Vertigo, sueur froide de Hitchcock. Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Beaucoup de films, donc, depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, nous donnent une image de Los Angeles, qui est d'ailleurs une image qui correspond à une certaine réalité. On voit bien que c'est un type de ville très, très déroutant pour un Européen, ou même pour quelqu'un donc, qui habite une métropole comme New York ou Chicago. Il n'y a pas de centre. Qui a un vrai centre, voilà, c'est ouais, ça. Y a pas de centre. Los Angeles, c'est complètement éclaté, il y a bien... un vague downtown avec quelques gratte-ciel. Bon, il y a quelques repères, mais ils sont pas aussi connus que les gratte-ciel de New York. Bon, par exemple, il y a la mairie de Los Angeles qui est reconnaissable, mais je pense que le spectateur un petit peu distrait n'y fait pas vraiment attention. Et puis, il y a cet espace de banlieue, pour ainsi dire. Cet espace très plat, ces rues qui semblent aller à l'infini, un petit peu dans toutes les directions, sauf qu'évidemment, il y a une borne qui est l'océan Pacifique, et puis il y en a une autre qui est le désert. On le voit très bien, par exemple, dans des films très appréciés en Europe, comme les films de David Lynch, Mulholland Drive par exemple, et ça correspond aussi à une espèce de géométrie dans l'espace où les gens de Los Angeles se déplacent donc dans des voitures, sur des autoroutes, et plusieurs heures par jour en moyenne. Mais ce travail de détail et de grande attention demandé à l'œil, pensez-vous que vous l'adressez à un public au fond d'érudit et de cinéphile, ou est-ce qu'il y a quand même la tentation d'essayer d'alerter sur la richesse iconographique du cinéma un plus large public ? Écoutez, je crois que c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que tous les spectateurs que nous sommes, d'abord comme disait Werner Herzog, même les nains ont commencé petits, et même les spécialistes de cinéma ont commencé généralement par aller au cinéma quand ils étaient enfants, emmenés par leurs parents ou éventuellement faisant l'école buissonnière. Enfin bon, et puis petit à petit, si on s'intéresse à un sujet, on essaye de voir effectivement comment ça marche, comment ça fonctionne, on remarque des choses, mais enfin, c'est pas à mon avis sensiblement différent de ce qui se passe quand on s'intéresse à la littérature ou quand on s'intéresse à la peinture, à la musique. C'est-à-dire que si on s'y intéresse vraiment, je crois qu'on a envie d'aller regarder un petit peu derrière le décor et l'apparence. Disons que des spectateurs un petit peu avertis, des spectateurs éduqués à regarder des films, voient toutes sortes de choses qui échappent à d'autres spectateurs, mais c'est une question plutôt de degré. Alors, il est vrai aussi parfois que quand on s'intéresse professionnellement au cinéma, comme disait aussi Marc Ferro, on finit par ne plus pouvoir profiter du film en spectateur innocent. Moi, ça m'arrive, je travaille surtout sur le cinéma américain, il m'arrive d'aller voir un film d'une toute autre cinématographie, mettons, je ne sais pas, un film indien ou un film allemand ou chinois, en me disant, bon, là, j'y vais vraiment pour mon plaisir. Et puis parfois, au bout de quelques minutes, je me dis, il y a un détail qui m'intéresse, il faut que je le note absolument, et je commence à sortir ma petite fiche et à noter ça dans le noir. Votre vie de spectateur est un vrai calvaire. Vous êtes au fond, quand vous regardez, vous analysez, vous disséquez, qu'est-ce que c'est le petit détail ? Prenons un exemple. Écoutez, il y a des choses très bizarres. En plus, avec la pratique aujourd'hui de la vidéo et puis du DVD, il y a des détails qu'on ne voit plus. Et on les voit tout d'un coup quand on voit le film en salle sur un grand écran. Bon, je vous donne un exemple qui est un peu anecdotique, mais un très grand metteur en scène qui est Fritz Lang, qui a une carrière allemande puis une carrière américaine. Et un de ses films les plus connus de sa carrière américaine, c'est « La femme au portrait ». Bien sûr. Film criminel, un prof spécialiste de psychologie qui est embringué dans une affaire avec une jeune femme très séduisante dont il a vu le portrait peint dans une vitrine. Enfin bon, ça se termine très mal et puis finalement, à la dernière minute, ça se termine bien, ça n'était qu'un rêve, bon, tout va bien. Retour à la norme et à la réalité. Mais donc, quand le personnage et la jeune femme, Edward G. Robinson et John Bennett prennent un verre ensemble pour la première fois. Moi, j'ai vu ce film 10 fois. Et évidemment, c'est toujours pareil. Au cinéma, on écoute, on regarde, mais on écoute surtout. On écoute le dialogue, on regarde les personnages. On ne fait pas attention au décor. Et au bout de la 10e fois ou de la 15e, j'ai vu qu'il y avait manifestement un décor derrière où on voyait Adam et Ève. Et Il faut vraiment regarder le décor pour le voir. Tant que on a l'œil fixé sur les personnages principaux, sur les stars, on ne le voit pas. Alors que c'est bon, ça peut paraître tout à fait anecdotique, mais en même temps, c'est Fritz Lang. C'est-à-dire que dans un film qu'il avait fait entre l'Allemagne et les États-Unis. En France, il est passé brièvement par la France en 1934. Il a fait un film qui s'appelle Lilium. Et là, on voit très bien avec Charles Adam Boyer. Et Ève. Voilà, avec Charles Boyer et Madeleine Auzeray. Entends-tu, Lilium, sur la foire, quel silence. Et là, il y a une scène au début du film avec un manège, une fête foraine, un manège. Et on voit très bien Adam et Ève. Mais là, c'était montré en gros plan au spectateur qui ne pouvait pas ne pas le voir. Et on voit comment un motif visuel qui était important pour Fritz Lang, cinéaste européen, a été repris par Fritz Lang, cinéaste américain, mais de façon presque discrète, ce qui fait que j'en ai fait l'expérience, y compris avec des collègues admirateurs, connaisseurs de Fritz Lang, etc. Ils n'avaient jamais vu ce détail que je leur ai montré. La fête continue. Dors tranquille. À présent, je suis honteuse. Honteuse de ne t'avoir jamais dit comme elle t'aimait. Ta drôle de petite fille. Jean-Loup Burget, ce genre de discussion est tout à fait passionnante quand on commence à parler, à pouvoir parler avec des gens curieux qui nous apprennent à regarder les choses. Venons-en, si vous le voulez bien, un peu à votre spécialité, ce cinéma américain. Y a-t-il une évolution et de quelle nature entre la place qu'il a occupée aussi bien aux États-Unis, sa fonction, que dans le reste du monde, la place qu'il occupe à présent, et le cas échéant, peut-on imaginer aussi la place qu'il pourrait occuper à l'avenir. Quelle est la nature de cette évolution-là ? Bon, alors là aussi, c'est une question évidemment assez vaste, assez complexe. J'ai envie de dire que il y a d'abord, en ce qui concerne l'évolution, alors résumé de façon évidemment très très rapide et schématique, mais il y a eu, depuis finalement la Première Guerre mondiale, il y a un cinéma hollywoodien dont on sait qu'il est en position, sinon de monopole, mais en position dominante dans la plupart des régions du monde. Ce cinéma hollywoodien restait, malgré tout, un cinéma avant tout américain. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est vraiment devenu une sorte de cinéma monde, c'est-à-dire que il n'a plus forcément de lien très étroit avec le matériau américain, les sujets, les décors, bien sûr, il en reste. Mais enfin, ça s'est un petit peu détaché de la matière première américaine. La tendance qui a toujours existé à absorber à Hollywood tout ce qui était talent, cinéaste, mais aussi star, technicien, sujet, les remakes, etc. Donc, cette tendance qui a toujours existé à absorber les talents extérieurs, à la fois parce que ces talents faisaient éventuellement de l'ombre ou de la concurrence au cinéma hollywoodien, et aussi l'idée, peut-être un peu naïve, mais d'améliorer la qualité du cinéma hollywoodien, ben, cette tendance s'étend maintenant au monde entier, comme on voit bien, c'est-à-dire que non seulement les films sont des montages financiers souvent multinationaux, mais d'autre part, si vous regardez les distributions, elles sont très souvent multinationales. Les sujets sont souvent donc des reprises de films à succès réalisés notamment, mais pas seulement, en France. Et puis le personnel. Il y a donc traditionnellement les Européens, notamment les Anglais, enfin les Britanniques de façon générale. Il y a des Français, il y a des Allemands, etc. Ça continue. Mais il y a de plus en plus aussi, d'une part, d'Hispaniques, y compris des Mexicains, des Latino-Américains. Je parle là encore des cinéastes, des stars, des lieux de tournage. Et puis, il y a l'Asie aussi. Il y a maintenant une espèce de synergie extraordinaire entre Hong Kong en particulier et les États-Unis, qui marche d'ailleurs un peu dans les deux sens. C'est-à-dire il y a des allers-retours. Les cinéastes de Hong Kong souvent ont imité les formes américaines comme le film criminel, et à leur tour, les cinéastes américains puisent leur inspiration à Hong Kong. Par exemple, le dernier film de Scorsese, The Departed, est un remake d'un thriller de Hong Kong. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. What I'm saying is this. When you're facing a loaded gun, what's the difference? Donc ça, c'est un petit peu l'évolution hein, d'un cinéma américain dominateur à un cinéma monde hollywoodien, plus spécialement américain d'une certaine façon, avec évidemment un grand point d'interrogation qui est l'évolution technique actuelle, le passage au numérique. Bon, qui, comme on sait, peut diminuer considérablement les frais de tournage, qui change complètement les conditions de distribution, avec le risque, je reviens à ce que je disais sur ce détail, qu'on voit quand le film est projeté sur un grand écran et qu'on ne voit pas, à moins d'avoir vraiment un appareil très haut de gamme, si on regarde une cassette vidéo ou un DVD. Ce risque qu'est-ce qui va se passer si, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, les spectateurs ne regardent plus les films que sous forme de DVD à la maison. On peut le craindre simplement si on aime, comme c'est mon cas, le cinéma tel qu'il existe depuis un peu plus d'un siècle. On peut imaginer qu'il y aura d'autres formes assez sensiblement différentes qui ressembleront peut-être davantage, entre autres, à des jeux vidéo, et que la part du cinéma qui est à la fois un cinéma spectacle, mais qui est aussi un cinéma narratif, un cinéma, comme on le disait tout à l'heure, qui pose de vraies questions, qui est un cinéma qui permet aux réalisateurs, aux producteurs d'intervenir dans des débats de société, de nous montrer une vision personnelle avec un certain type de moyens. Ce cinéma-là va peut-être changer complètement, voire disparaître. Et notamment aussi la possibilité pour le spectateur d'être en situation dans le noir, mais collective, qui, elle également, s'effacerait au profit de projections à domicile et donc plus ou moins par nature privée. Oui, moi je crois très profondément que ça change la nature de l'expérience, que, encore une fois, caractériser le cinéma comme un art du spectacle, c'est sans doute contestable, parce que je me dis quand même... c'est une expression qu'on emploie assez souvent, cinéma, théâtre, art du spectacle, dans certaines universités en particulier. Enfin, je me dis, quand on voit Nuit et brouillard, ou quand on voit Le chagrin et la pitié, est-ce que c'est vraiment des spectacles? Bon, je trouve que l'expression n'est pas toujours très heureuse. Mais, par contre, une des raisons pour lesquelles, je pense, le cinéma a été un façonneur, sans doute, d'idéologie, mais aussi un éveilleur d'esprit critique. Je pense que le cinéma peut être très manipulateur, mais aussi peut susciter des réactions de réflexion ou de révolte. Il est évident que c'est, entre autres, à cause de l'aspect collectif de la manière dont il a été reçu, et que ça change complètement ça se rapproche de la consommation de la télévision, avec des spectateurs affalés dans leur fauteuil, une canette de bière verre à la main et avec avec la lumière allumée, interrompu éventuellement par leur portable, enfin, etc. Bon, je caricature, c'est très facile, mais c'est une toute autre expérience, c'est évident. C'est comme si le théâtre, par exemple, n'était plus une expérience collective. On voit pas très bien comment ça pourrait encore être du théâtre. Mais d'une certaine façon, je pense que le cinéma est dans une situation comparable. ...1930, c'était l'âge d'or du cinéma. Depuis sa naissance à la fin du siècle dernier, jamais cette nouvelle industrie n'avait attiré à elle autant de fidèles. Pour aller à sa rencontre, les spectateurs envahissaient les salles toujours plus grandes, toujours plus vastes, comme si leur volume variait en fonction des désirs inconscients du public. Symbole de ce cinéma triomphant, le Rex. Immense cathédrale où enfin le 7e art se débarrassait des oripeaux du théâtre pour inventer sa propre architecture. Moment unique qu'évoque pour nous un historien du cinéma, Francis Lacloche. Quand les gens allaient au cinéma dans les années 30, la première chose qu'ils faisaient, c'était de regarder un décor fabuleux qu'on leur offrait, qui avait un contraste extraordinaire par rapport à l'endroit où ils vivaient. Donc le cinéma était conçu pour une sorte de voyage avant le spectacle. Et on leur offrait à la fois un décor, des tas de spectacles complémentaires. Enfin, ça, c'est une histoire que tout le monde connaît maintenant, parce qu'on a un peu réhabilité ce genre de nostalgie. Et donc, regarder les décors un peu décrépits, il faut bien le reconnaître, des vieilles salles ou des grandes salles, c'est quelque chose qui fait partie de la magie du cinéma et de l'attente. Vous vous relevez dans un de vos articles cette idée du formatage un peu permanent qui existe notamment à Hollywood. Et c'est une toute dernière question et je voudrais avoir de votre part une réponse la plus synthétique possible. Est-ce que pour vous, Jean-Loup Bourget, parce que ça a longtemps existé de toutes les manières possibles, la subversion est-elle encore un rendez-vous possible que peut nous fixer le cinéma ? Ah, moi j'en suis persuadé. Écoutez, je prends un exemple récent d'un film qui peut apparaître comme complètement hollywoodien, grosse production, etc. C'est le dernier film de Clint Eastwood, qui ne passe pas tellement pour un révolutionnaire ou un contestataire, qui s'appelle Mémoire de nos pères. Bon, bah, il nous donne à la fois une vision de la guerre du Pacifique, qui est une vision... original, je ne dis pas qu'on n'a jamais vu ça exactement, mais je pense que c'est sensiblement différent de ce à quoi les films de guerre nous ont habitués jusqu'à présent. Et en même temps, il pose aussi la question de la différence entre l'expérience vécue des combattants et l'expérience telle qu'on l'a racontée ensuite au public américain ou telle qu'on l'a transmise par des images, qu'il s'agisse de photos ou du cinéma. Donc je pense que c'est un film, en tout cas sinon subversif, c'est un film qui fait preuve d'esprit critique et qui est pourtant produit par la machine hollywoodienne, ce qui prouve que Hollywood absorbe tout, mais en même temps il y a toujours aussi des résistances et des réactions internes. Ça y est, tu l'as eu ? J'en sais rien. J'aurais aimé voir leur visage. La bonne photo peut faire gagner ou perdre une guerre. Tu devrais regarder ça. Cette photo, les gens sont devenus fous. Le pays était fatigué de la guerre. Une photo, presque à elle seule, a changé les choses. Descends ! Demain, la suite avec une évocation d'Hollywood des temps anciens en plusieurs épisodes. Titre du premier, La guerre des brevets. Would you love me? Yes. Cette semaine est réalisée par Christian Morero. That's my steak, fellas. You're Joe Davis's boy. I don't like for nobody to draw a bead on me. I know. I know all about you. And the reason to be here. But there's a lot about you too, Doc. That's your mark around. Get good. Get good. I think that's all.